J'ai les rêves de l'enfance au fond de mon âme en urgence, sans peine, sans regret. J'ai tant de projets, j'ai tant d'étoiles dans le cœur, tant d'envie de tutoyer le bonheur. J'ai enfin trouvé la clé de la liberté, clé de seul sur un clavier qui console mes peines, mes chagrins mieux qu'un poème, bien mieux que je t'aime. J'ai rangé les rêves de l'enfance au fond de mon âme en urgence, sans peine, sans regret. J'ai tant de projets, j'ai tant besoin du miroir, de vos voix et de tout vos regards, pour partager la passion, le temps d'une chanson. Il y aura entre nous bien d'autres rendez-vous, d'autres instants à graver dans nos. J'ai rangé les rêves de l'enfance au fond de mon âme en urgence, sans peine, sans regret. J'ai tant de projets.